Mon intervention s'intitule « La stéatopygie ou l'hypertrophie fessière des femmes africaines sous le regard des médecins français du XIXe siècle entre stigmates racial et marqueurs culturels ». Si la femme africaine constitue un objet d'étude pour les scientifiques du XIXe siècle, c'est en raison de sa différence de sexe et de race. Elle incarne véritablement l'autre dans toute sa splendeur. Ainsi, son corps et particulièrement ses attributs sexuels se voient minutieusement analysés par l'anthropologie médicale du XIXe siècle. Alors, une citation d'un anthropologue et naturaliste en 1889, Joseph Deniker, montre bien cet intérêt scientifique accordé à cette particularité anatomique. Une des particularités les plus remarquables des femmes Bauchimane et Hottentote, c'est incontestablement la stéatopygie, ou l'énorme développement du tissu adipeux dans la région fessière. On a beaucoup écrit sur cette question. Donc là, c'était la citation de Joseph Deniker, donc, qui montre cet intérêt apporté à cette particularité. La stéatopygie signifie étymologiquement stéatos, graisse, et pugé, fesse. Alors, les premières études savantes sur la stéatopygie apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, mais c'est véritablement au XIXe siècle que les scientifiques vont s'intéresser à cet attribut corporel. Alors, dans un contexte d'effervescence scientifique, de recensement et de taxinomie raciale, mais aussi de voyage vers l'Afrique du Sud, terre considérée comme la terre des femmes stéatopyges, par des explorateurs français comme Le Vaillant, Perron, Le Sueur. Dès la première moitié du XIXe siècle, les hommes de science, médecins de cabinet, anthropologues, naturalistes et médecins de brousse, les médecins coloniaux, vont percevoir et décrire les femmes africaines, et plus encore les femmes Khoisan, Bauchimane et Hottentote, ces femmes d'Afrique du Sud, à travers une grille de lecture préétablie, recherchant systématiquement chez elles la présence du tablier, qui est une hypertrophie des lèvres génitales, enfin, selon eux, et de la stéatopygie, et cherchant à en expliquer l'origine, alors raciale, climatique ou culturelle. L'étude de la stéatopygie constitue un exemple paroxystique d'un savoir plus général sur le corps de la femme africaine et permet souvent aux savants de développer des théories sur la femme et sur la race noire en général, de soutenir l'inégalité des races humaines, chères aux monogénistes, ou d'appuyer la thèse d'une pluralité de l'espèce humaine soutenue par les polygénistes. Et enfin, parfois, de valider un discours idéologique et politique ambiant sur l'infériorité des Noirs et la nécessité de les civiliser. Alors, nous verrons tout d'abord que la stéatopygie est une particularité anatomique qui fascine véritablement et qui surprend les scientifiques. C'est, selon eux, un caractère animal et anormal, signe d'une infériorité de l'Africaine. Et enfin, nous verrons le débat qui oppose ceux qui en font un stigmate de race et de sexe et ceux qui voient plutôt un effet de la culture et du mode de vie. Donc, en premier point, la stéatopygie, décrire et expliquer une particularité anatomique. La stéatopygie fascine explorateurs et scientifiques, tout d'abord car elle représente un trait spécifique de l'altérité noire, selon eux, mais aussi car elle est un attribut sexuel visible. La focalisation du regard des scientifiques sur l'anatomie sexuelle des Africaines se perçoit dans de nombreux discours médicaux. En 1817, Georges Cuvier, médecin, paléontologue et anatomiste célèbre, dresse un portrait de Sarji Bartman, la Vénus Hottentote, donc, que nous voyons ici, qui est une gravure datant de 1824, un portrait donc de la Vénus Hottentote exclusivement basé sur sa morphologie sexuelle, le tablier et la stéatopygie, le reste n'étant que détail. Parallèlement à toutes les descriptions écrites tout au long du siècle sur la stéatopygie, se développent des illustrations de la stéatopygie afin de prouver l'existence de ce phénomène. Dessins et gravures donc parsèment les ouvrages. Donc, nous avons cette gravure de 1824, celle-ci donc de Léon de Wailly, dessin datant de 1815. Ou plus tard, donc là, c'est une femme Bauchimane dans un ouvrage de Paul Topinard, L'anthropologie, en 1879. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, donc, ce sont les photographies de la stéatopygie qui vont se développer, avec notamment les clichés du prince Roland Bonaparte, donc, qui présente notamment ici des femmes aux formes stéatopyges, présentes au jardin d'acclimatation en 1889, lors de l'exposition universelle de Paris. Femmes également étudiées par des anthropologues tels Topinard ou Deniker. Alors, cette mise en exergue scientifique n'est pas exempte d'ambiguïté. On peut se demander si, sous couvert d'une description des caractères sexuels singuliers des Africaines, les scientifiques n'offriraient pas à leurs lecteurs la possibilité d'observer chez les femmes noires ce qu'ils ne peuvent voir à l'époque chez les femmes blanches, nudité exotique visible dans ces ouvrages savants, mais également pour un public plus large dans les foires, zoos humains, expositions coloniales. En effet, la nudité de la femme noire se légitime par une précision scientifique, par une nécessité ethnographique, et demeure acceptable car elle est incarnée par une femme sauvage, animale, soupçonnée d'une sexualité déréglée, alors que la nudité de la femme blanche est à l'époque dissimulée sous plusieurs couches de vêtements, car elle est perçue comme dangereuse et intolérable, même dans cette société française pudibonde du XIXe siècle. Alors, Saartjie Baartman incarne l'exemple le plus célèbre de femme africaine stéatopige, explorée et exploitée pour ses particularités physiques. Donc, originaire du Cap, née en 1789, elle est exhibée dans des foires à Londres en 1810, puis dans des salons à Paris en 1814, avant de passer sous la coupe des scientifiques tels Georges Cuvier, Henri de Blainville ou Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui cherchent à vérifier de visu la stéatopigie de cette femme Khoisan, qui sera disséquée après sa mort à la fin de l'année 1815. La multiplicité de discours et de gravures consacrées à la Vénus Hottentote témoigne de cette fascination pour son anatomie sexuelle, donc comme nous le montrent ces gravures. Si la Vénus Hottentote a marqué les esprits par son corps atypique, le rapport de sa dissection, rédigé et publié par Cuvier en 1817, fournit des conclusions sur la stéatopigie qui ont un impact retentissant dans la sphère scientifique française, mais aussi européenne, et même donc jusqu'aux États-Unis, et cela jusqu'au début du XXe siècle, qui ont pour conséquence de stériliser les recherches sur la question. Saartjie Baartman va devenir, au cours du siècle, le référent incontournable en matière de stéatopigie et représente l'archétype de la femme Khoisan. Et même toutes les études sur les femmes africaines, enfin, les études médicales sur la femme africaine au XIXe siècle, en reviennent à évoquer la Vénus Hottentote et sa stéatopigie. Alors, la permanence des discours scientifiques français sur la stéatopigie marque le XIXe siècle, tout comme la représentation de cette femme Khoisan, perçue comme la femme limite, l'échelon inférieur de l'humanité et le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Alors, en décrivant les spécificités somatiques des Africaines, les scientifiques déterminent les contours de la normalité, les limites de l'espèce humaine, posent des frontières intangibles ou perfectibles entre les races et tentent ainsi de renforcer l'idée de supériorité de la race blanche. Alors, notre deuxième point, l'hypertrophie fessière des Africaines, un caractère difforme, monstrueux, animal. Au cours du XIXe siècle, une véritable norme corporelle s'édifie à l'aide de données chiffrées, d'une anthropométrie précise, garante de l'objectivité scientifique, excluant toute forme de déviance et d'écart à la norme. Si le corps de l'autre intrigue et inquiète par sa différence, il rassure car il accroît l'idée de normalité de son propre corps, de sa propre civilisation. Et de ce fait, les femmes africaines, et plus encore ces femmes Khoisan, du fait de leur stéatopigie dite de race, vont être dépeintes par les anthropologues et les médecins en des termes soulignant la démesure et l'anormalité. Au début du siècle, on parle de la stéatopigie comme d'une masse de consistance élastique et tremblante. Le docteur Brock, en 1936, parle de conformation bizarre. Le docteur Verneau, en 1891, insiste sur l'étrangeté de cette particularité physique, en évoquant les masses bizarres de graisse qui s'accumulent dans leurs fesses. Alors ce caractère, par l'exacerbation d'un trait corporel déformant le physique des êtres qui en sont dotés, en fait à l'époque des spécimens tératologiques. Les fesses des femmes Khoisan vont être mesurées et comparées à celles d'autres africaines, mais aussi à celles de femmes blanches. Alors pour Trémaux de Rochebrune, médecin colonial, dans son étude sur les Wolofs en 1879, donc il considère que les fesses de l'européenne représentent la norme et celle de la Bauchimane la déviance la plus extrême. Le poids du chiffre permettant d'accréditer son propos à une époque où les tableaux et les séries anthropométriques parsèment les ouvrages scientifiques. Alors je cite un exemple de son tableau. Mesure comparée de la région fessière, circonférence d'un trochanter à l'autre par le point le plus saillant des fesses, Bauchimane 79 cm, Wolof 67 cm, européenne 64 cm. En 1889, Paul Topinard démontre bien également cet écart à la norme dans cette phrase « Tout le système esthétique de la femme, vu de face, en est changé ». Si les femmes stéatopiges outrepassent les moyennes anthropométriques, s'écartant ainsi de la normalité et des canons esthétiques de l'époque, elles se présentent également dans l'anthropologie médicale du XIXe siècle comme celles qui incarnent le mieux la proximité avec la nature et avec l'animal. La stéatopigie, contrairement au tablier, permet aux scientifiques de démontrer les liens existants entre les femmes noires et les singes. Georges Cuvier est le premier savant à établir une analogie formelle entre la stéatopigie et l'anatomie simiesque. Et il évoque également le fait que le bassin de la Vénus Hottentote, identique à celui des autres africaines, mais nettement différent de celui des femmes blanches, s'apparente en tout point à celui des singes, reléguant explicitement la femme noire au rang de l'animal et consacrant la supériorité de la blanche. Dans son ouvrage « L'anthropologie », couronné d'une médaille d'or par l'Académie de médecine en 1877 et réédité 6 fois, ce qui montre son succès, Paul Topinard confère aussi à la stéatopygie un caractère simiesque. Il la compare au sac laryngien du gorille et du chimpanzé, mais aussi aux callosités des singes. Toutefois, Topinard, contrairement à Cuvier, qui était monogéniste, utilise l'argument de la stéatopygie pour prouver l'existence d'une pluralité de l'espèce humaine. Selon lui, les Boschimans n'appartiennent pas à la même espèce que les Blancs. Alors, la femme noire semble rappeler chez l'homme blanc, par un procédé métaphorique et métonymique, la faune qui l'entoure. Lorsqu'elle n'est pas comparée aux singes, la femme noire se voit comparée aux autres animaux d'Afrique. Le docteur Amédée de Chambre, en 1860, considère, comme beaucoup de ses confrères, que la graisse contenue dans les fesses des Africaines est de même nature que celle qui compose le corps des animaux d'Afrique, tels les zèbres, les moutons d'Abyssinie ou les chameaux. Béranger Ferraud, directeur du service de santé de la marine, en mission au Sénégal dans les années 1870, confirme cette idée et va plus loin encore. Selon lui, la stéatopygie qui affecterait les Wolofs serait une entrave à la position bipède. Donc, ces femmes incarneraient le chaînon manquant entre l'homme et l'animal, un être mi-femme, mi-singe. Alors, ces analogies entre la femme noire et l'animal sont anciennes, mais sont validées et véhiculées par la science au XIXe siècle, ce qui contribue à déshumaniser, à inférioriser l'Africaine et accompagne de ce fait les discours politiques qui visent à légitimer la domination et l'exploitation économique du continent africain ou encore le développement des exhibitions humaines. Enfin, ces descriptions visent peut-être une désérotisation des femmes africaines et une prohibition idéologique du métissage. D'ailleurs, tout au long du siècle, les discours sur la stéatopygie sont teintés des railleries et de la condescendance de leurs auteurs. Alors, la stéatopygie, ce caractère si étrange pour l'homme blanc et donnant lieu à tant de descriptions et de controverses scientifiques, fournit également l'occasion pour les chercheurs de débattre des parts respectives de l'inné, de l'acquis, de la nature ou de la culture dans la constitution du corps des Africaines, justifiant souvent des doctrines plus générales sur les races humaines. Donc, c'est le dernier point, très rapide. Pour la plupart des savants, et surtout dans la première moitié du XIXe siècle, dans la lignée de Cuvier, la stéatopygie est un caractère inné, racial et sexuel qui s'accroît avec l'âge. Pour certains, il apparaîtrait dès la naissance, pour d'autres, après la première grossesse. Pour Levaillant, en 1803, la stéatopygie des Hottentotes est une difformité de naissance. Il décrit d'ailleurs une fillette qui en est dotée. Alors, je cite, « J'ai vu une fille de 3 ans entièrement nue. Je la plaignais d'être chargée de ce gros paquet qui me paraissait devoir gêner ses mouvements. » Alors, si je cite cet exemple, c'est que les médecins, tout au long du siècle, vont réitérer cette citation, vont se servir de cette citation pour prouver le caractère inné de la stéatopygie, donc montrant aussi le manque d'études sur le terrain de la part de ces chercheurs. À la même époque, certains savants, dans une logique néo-hippocratique, mettent également en avant l'impact du climat sur la conformation des femmes noires. Dans l'Histoire naturelle du genre humain, parue en 1801 et rééditée en 1824, Julien-Joseph Viré, médecin, naturaliste et anthropologue, affirme ce lien de cause à effet. Nous pouvons expliquer la formation de ces loupes graisseuses et leur situation chez la plupart des femmes sauvages de l'Afrique australe. Qu'on se représente ces Boschimans toujours nus, accroupis tout le jour à un soleil ardent, presque à la manière des babouins, la grande chaleur du climat tenant fluide la graisse qui se dépose dans les aréoles du tissu cellulaire fera amasser celle-ci par le coccyx. Les femmes ayant surtout un tissu moins dense et moins solide que les hommes seront plus exposées à ces collections graisseuses. Dans cette théorie, le climat chaud, mais également la nature féminine, humide, molle et faible, ainsi que le mode de vie des Boschimans particulièrement dépréciés, joue un rôle dans la formation de la stéatopygie. À partir des années 1870, des médecins et anthropologues vont invoquer une plus grande variété de facteurs pour expliquer ce phénomène et vont reconnaître progressivement, surtout à la fin du siècle, le rôle de l'acquis au détriment des seuls facteurs déterministes. Alors, sans toutefois dénier l'importance des prédispositions innées et raciales, la maternité et le port des enfants sur le dos seraient pour certains une des causes de la saillie des fesses des Africaines. Trémaux de Rochebrune, Raphaël Blanchard ou encore le médecin colonial Armand Corr soutiennent cette idée dans les années 1880. Donc, je cite Armand Corr, nous l'attribuons, alors chez la plupart des négresses sénégaliennes, nous l'attribuons à l'habitude qu'elles ont de porter les enfants sur leur dos, à cheval, au travers des reins et presque assis sur la saillie des fesses. Cette théorie tend à revaloriser les Africaines, car si leur corps peut sembler anormal ou difforme pour un homme blanc, c'est dans la réalisation de leur mission maternelle qu'ils se seraient déformés. Et on retrouve les mêmes discours au sujet des seins des femmes noires, jugées lâches et tombants à cause des allaitements répétés et donc d'une maternité attentive. Et on voit tout au long du siècle, par ailleurs, que l'Africaine est décrite comme la femme qui serait restée proche de la nature, donc ravivant le mythe du bon sauvage de Rousseau, et fidèle à ses instincts maternels. Et ils en profitent souvent aussi pour fustiger la femme européenne qui aurait délaissé sa mission originelle sous l'influence de la civilisation, et du confort et des biens matériels. Vers la fin du XIXe siècle, la stéatopigie n'est plus seulement perçue comme un marqueur ethnique et sexuel. De nombreuses Africaines et même des Africains présenteraient cette particularité, et pas seulement des femmes Khoisan. Et on retrouve également une idée nouvelle. Au début du XXe siècle, certains médecins et anthropologues vont considérer que ce caractère peut également exister chez la femme blanche. Alors, on le retrouve donc dans des discours dans la revue L'Anthropologie. Félix Regnault, en 1912, l'évoque aussi. Ou le docteur Michels, ici, qui illustre sa thèse, en 1926, de photographies de femmes françaises dotées d'une forme de stéatopigie, mais qu'il considère plutôt comme une obésité partielle. Alors, en conclusion, la stéatopigie de la femme africaine cristallise l'attention des savants qui cherchent la marque visible d'une différence essentielle de sexe et de race, d'une délimitation concrète entre la race blanche et la race noire. Les explications de l'origine de ce trait physique permettent d'accréditer les thèses des savants, mais contribuent également à soutenir le discours politique sur la nécessité de la colonisation en apportant une caution scientifique au topos de l'infériorité raciale des Noirs. Au début du XXe siècle, même si les préjugés sur la stéatopigie persistent, émerge l'idée que ce caractère peut exister chez les Blancs, ce qui rend les frontières entre les races plus floues, plus perméables et fragilise ainsi le concept de l'existence de plusieurs espèces humaines. Excusez-moi pour le retard. Merci.